بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب جامع l'auteur ici il nous cite donc باب جامع donc un sous-chapitre concernant des jugements et des règles différentes عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سنو أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée alors qu'il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il accomplisse deux unités de prière. فمن المعلوم أن العلماء اختلفوا في مسألة تحية المسجد. Il est connu donc que les savants ont divergé concernant le sujet de la prière, donc de la prière de salutation, la prière de salutation de la mosquée. والجمهور يرون استحباب هاتين الركعتين. Et al-jumhur, la majorité des savants, ils voient que l'accomplissement de ces deux unités de prière est recommandé. Wa hum al-a'im al-arba'a wa ma hum ibn Hazm. Et donc, c'est-à-dire parmi eux, al-jumhur, c'est-à-dire donc les quatre écoles, et aussi donc al-dhahiriya, donc avec ibn Hazm. Wa yarawna anna al-amr al-madhkur fi hadha al-hadith al-muradu bihi al-istihbab. Et il voit que l'ordre qui a été cité dans ce hadith, ce qui est voulu par là, c'est al-istihbab, qu'il est recommandé. Ici, dans ce hadith, on voit l'ordre d'accomplir deux unités de prière. Eux, donc al-jumhur, ils vont nous dire que ce qui est voulu ici, c'est que c'est recommandé. Wa dhahaba al-Khattabi, thumma al-Shawkani, wa san'ani, ila al-wujub. Wa min al-mu'asirin, al-allama. الألباني وكذلك الشيخ النجمي رحمه الله الجميع. Et الخطابي et ensuite الشوكاني et الصنعاني, il voit que ces deux unités de prière sont obligatoires. Ces deux unités de prière sont obligatoires. Lorsque tu rentres dans la mosquée, tu vas donc obligatoirement prier donc تحيات المسجد. Parmi nos savants contemporains qui ont choisi cet avis, il y a aussi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et Cheikh Al-Najmi. Qu'Allah fasse miséricorde à tous. Qailin, bi anna al-asla fil awamir al-wujub. Faman qala bil istihbab lazimahu ad-dalil. Et donc ces savants-là, ils disent que la base dans la législation, c'est l'obligation. C'est une règle de Usul al-Fiqh. La base dans la législation, la base dans les ordres de la législation, c'est l'obligation. Dès que tu vois un ordre, aqimu salat, accomplissez la prière. Ce qui est voulu par là, c'est que c'est obligatoire, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ils nous disent, ici dans ce hadith, il y a un ordre. Et donc, celui qui dit que cela est recommandé, il lui est impératif à lui de ramener une preuve. وكذلك من أدلة القائلين بالوجوب ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع. Et donc parmi les preuves qu'ont utilisé ceux qui voient qu'il est obligatoire de prier rak'atayn pour la salutation de la mosquée, il y a le hadith qui a été cité par Shaykhan al-Bukhari et Muslim, donc selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la khutbah le jour du vendredi et un homme est venu. Alors le prophète lui a dit, est-ce que tu as prié? L'homme a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lève-toi et prie. Qum farka, lève-toi et prie. قالوا إذن هذا يدلنا على وجوب الركعتين للتحية. Et donc les savants ils ont dit que ce hadith là nous montre qu'il est obligatoire d'accomplir les deux unités de prière pour la salutation de la mosquée. أما الجمهور فقد استدلوا بما أخرجه الشيخان عن طلحة ابن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وفي آخر الحديث قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا ذلك ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. الجمهور, donc la majorité des ulama, ceux qui voient qu'il est recommandé d'accomplir les deux unités pour la salutation, il se base donc sur un hadith qui a été aussi cité dans As-Sahihayn, selon Talha ibn Ubaydillah, qui dit qu'un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui faisait partie des gens de Najd, qui avait donc les cheveux donc en désordre. Et on entendait le fort son de sa voix, mais on ne comprenait pas ce qu'il disait, jusqu'à ce qu'il s'approche. Alors, cet homme interrogea concernant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, l'islam, cinq prières par jour et nuit. Alors l'homme il a demandé, est-ce que j'ai d'autres que celles-ci, d'autres prières à accomplir que celles-ci, d'autres obligations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, là, non, sauf si tu en fais de façon surérogatoire. Et à la fin du hadith, puisqu'après il a cité siyam, zakat, et à la fin du hadith, l'homme, il est parti, il s'est détourné, il est parti en disant par Allah, je ne vais rien rajouter à cela, ni diminuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a réussi si il est véridique. Il a réussi s'il dit vrai. Faqalu idhan, as-salawat al-mafrouda khamsun faqat. Et donc, ces savants, ils ont dit que les prières obligatoires sont au nombre de 5 seulement. 5 prières par jour, c'est tout. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المذكور في هذا الحديث هي الصلوات المفروضة بغير سبب والتي تتكرر في كل والتي تتكرر كل يوم. Et il a été répondu à cette façon d'utiliser ce hadith comme preuve en disant que les prières qui ont été citées dans ce hadith, cet homme qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par là, ce sont les prières qui se répètent tous les jours et qui sont obligatoires sans cause connue. Les prières qui sont obligatoires sans cause connue, comme nous avons les 5 prières par jour. Et donc, les prières obligatoires sans cause connue sont au nombre de 5, pas plus. Mais par contre, est-ce qu'il y a d'autres prières obligatoires? Ils vont nous dire oui, il y en a d'autres prières obligatoires. Il y en a d'autres prières obligatoires. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور لما يلي. Et l'avis le plus juste dans ce sujet, inshallah ta'ala, est l'avis de al-jumhur, la majorité des savants, à cause des arguments qui suivent. أولا أن القول بالوجوب لم يعرف قبل الخطابي رحمه الله وهو قد توفي في السنة 88 بعد 300. Et donc, premièrement, donc l'avis qui stipule qu'il est obligatoire d'accomplir التحية n'a pas été connu avant الخطابي. الخطابي qui est mort en 388 de l'Hégire. وأما القول بالاستحباب فَقَدْ جَاءَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَ كَمَا ذَكَرْتُهُ لَكُمْ سَبِقًا. En ce qui concerne l'avis qui dit que cela est recommandé, alors cet avis a été cité donc des أئمة الأربعة, comme je l'ai dit précédemment. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَلَا يُصَلُّونَ وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. Ibn Abi Shayba, il cite dans son Moussannaf, selon Zayd ibn Aslam, qui dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentraient dans la mosquée et en sortaient et ne priaient pas dedans. Et certes, j'ai vu Ibn Omar le faire. ثم جاءت أدلة أخرى تدل على الاستحباب فالصارف عن الوجوب موجود. Et donc il y a aussi d'autres preuves qui ont été citées qui montrent que cela est recommandé. Et donc il y a un élément qui montre, un élément qui va tirer l'ordre vers le caractère recommandé. Comme on a vu précédemment, l'argumentation de ceux qui disaient que c'est obligatoire, c'est de dire que la base dans la législation, la base dans les ordres, c'est qu'ils sont obligatoires jusqu'à preuve du contraire. Et donc là, c'est comme s'ils nous disent, il y a la preuve du contraire. Il y a la preuve du contraire. فَجَاءَ فِي سُنَنِ النَّسَائِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُصْرٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. Il a été cité dans Sunan al-Nasa'i. Il a été cité dans Sunan al-Nasa'i, rahimahullah, selon Abdullah ibn Busr, qui abordait le sujet du vendredi, la prière du vendredi, et qui dit qu'un homme est venu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar. L'homme est venu et il passait donc entre les gens. Il passait entre les gens pour avancer dans les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Assieds-toi ». Assieds-toi, certes tu as nuit. Assieds-toi, certes tu as nuit. فَأَهْلُ الْعِلْمِ فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ الرَّجُلَ هَذَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ فَلَمْ يُصَلِّ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُلُوسِ. Et donc les savants, ils ont dit que cet homme, il est passé devant les gens. Il n'a pas prié, le prophète lui a ordonné donc de s'asseoir. وَأَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن القتال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. Et aussi dans Sahihain, l'histoire de Ka'b ibn Malik lorsqu'il s'est absenté au combat. Le prophète صلى الله عليه وسلم qui est revenu à Médine, il est entré dans la mosquée et il a accompli les deux unités de prière, puis il s'est assis pour les gens. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il s'est assis pour les gens, ceux qui se sont absentés au combat se sont donc précipités pour aller s'excuser auprès de lui en jurant, et ils étaient certes un peu supérieur à 80 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses publiques et a prêté allégeance avec eux et a demandé le pardon pour eux, mais a confié ce qu'il y a dans leur poitrine à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Ka'b ibn Malik qui raconte cette histoire, il dit فَلَمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ. Ka'b ibn Malik, il nous dit, et donc lorsque je l'ai vu, je lui ai passé le salam et il m'a souri, mais avec le sourire de celui qui est en colère. Puis il m'a dit, viens. Alors je suis venu, j'ai marché jusqu'à lui et je me suis assis devant lui. Alors il m'a dit, qu'est-ce qui t'a fait t'absenter? Les savants, ils ont dit, ce hadith-là aussi, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que Ka'b ibn Malik, il n'a pas prié rak'atayn. Il est venu, il s'est assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de prier rak'atayn. وكذلك وهو آخر حديث نرى اليوم. Et donc le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, la dernière preuve, ما أخرجه الشيخان أيضا عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل عليه ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى ربه فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. Et donc le dernier hadith, la dernière preuve qu'on voit aujourd'hui, toujours dans Sahihain, selon Abi Waqidin al-Laythi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis dans la mosquée et les gens étaient autour de lui, trois hommes sont venus. Deux se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le troisième s'est détourné. Alors les deux qui se sont dirigés donc se sont arrêtés près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux a vu un espace vide. Il a vu un espace vide dans la foule autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc avancé jusqu'à s'asseoir dans cet espace vide. En ce qui concerne le deuxième, alors il s'est assis derrière les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: puis-je vous informer concernant le cas des trois individus? En ce qui concerne l'un d'entre eux, alors il s'est retourné cherchant le refuge auprès d'Allah. Allah lui a accordé le refuge. En ce qui concerne l'autre, il a eu de la pudeur envers Allah. Alors Allah a eu de la pudeur envers lui. Le sujet de la pudeur, on l'a déjà vu donc dans Sahih al-Bukhari, donc Bab al-Haya, Kitab al-Haya, le chapitre de la pudeur. Et en ce qui concerne le troisième, il s'est détourné d'Allah, alors Allah s'est détourné de lui. Le hadith, la preuve dans ce hadith, les savants ils nous disent, c'est que cet homme, ces deux hommes, il n'a pas été cité, les compagnons ne nous ont nullement rapporté que ces deux hommes ont prié Rak'atayn, mais qu'ils se sont assis, et donc le prophète ne leur a pas ordonné d'accomplir Tahiyatul Masjid. Et donc voilà concernant ce sujet. Et ala kulli hal man dakhala al masjid jaa lil husuli ala al ajr fala yanbaghi an yufawwit hadha al ajr. Dans tous les cas, celui qui vient à la mosquée, il est venu pour avoir la récompense, alors il n'est pas convenable qu'il laisse passer la récompense comme cela et qu'il accomplisse tahiyat al masjid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.